debajo del agua y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busque el gobierno. Un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les droits paternels qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Je regarde. Salut, salut, salut, Rého. Bonjour. Fin de Michel Jonas. Et alors, c'est ça, vous avez. On a failli commencer La Voix sans maître par Michel Jonas. Ça, c'est une bourde que Bakounine s'est retourné dans sa tombe. Non, non, mais non, comme je disais, ça s'est passé avant le jingle, donc c'était pas dans l'émission, les amis. Ok, voilà. Très bien, on va se rassurer comme ça. Et du coup, vous écoutez toujours Radio Campus 106.6 FM. Il est 20h et quelques minutes, et c'est La Voix sans maître, comme tous les vendredis soirs. Voilà. Et du coup, ce soir, on va parler de plusieurs choses. On va parler de prison, pas mal. On va aussi parler d'autres trucs, peut-être. On ne sait pas bien. Une petite brève de répression quotidienne. Voilà, très bien. On va dire. Et en attendant... Ouais. Oui. Une chronique cinéma, non ? Peut-être qu'on fera une chronique cinéma, même. Attention. Et en tout cas, on va commencer, comme tous les vendredis, par l'agenda de la semaine à venir de Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, on commence dès un rencard, dès ce soir, à 21h, juste à la fin de cette émission, au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar, à Lille. Un concert avec deux groupes, un groupe qui s'appelle Lost Pagan, qui est du hardcore marécageux qui vient de Amiens. Et enfin, un deuxième groupe qui s'appelle Miss Tetanos and Sitrifa, featuring Stephen O. Martin. C'est de l'électro drum live électronique. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est à prix libre, c'est-à-dire que chacun chacune est invité à donner en entrée ce qu'elle ou il veut ou peut. Voilà. Demain, du coup, toujours au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar à Lille. Alors, il y aura à 14h30 l'Assemblée Générale mensuelle du Centre Culturel Libertaire lui-même. Du coup, qui est l'Assemblée mensuelle du Centre Culturel Libertaire et qui est le moment où on parle des différentes questions qui animent la vie du lieu, du programme, des travaux, des choix à faire pratico-politiques. Un petit peu de tout ça, et du coup c'est un moment ouvert à toutes et tous, et où il est aussi possible de venir juste pour voir un peu comment ça se trame, ou bien pour proposer des trucs ou pas. Et voilà, et du coup c'est à 14h30 demain au CCL 4 rue de Colmar. Ok, et du coup demain il y a aussi plusieurs autres choses qui se passent. Il y a une manif à 15h, je crois, 15h à République, qui est appelée par le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, qui appelle à manifester contre l'islamophobie. Peut-être que je peux lire vite teuf le texte d'appel. Allez, allons-y. Les deux horribles attentats qui ont ensanglanté la France ont été le prétexte au déclenchement d'une série de passages à l'acte islamophobes sans précédent. En deux semaines, du coup, après les attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Super Cacher, plus de 150 actes islamophobes ont été officiellement recensés, c'est-à-dire plus que l'ensemble plus que pour l'ensemble de l'année 2014. Il s'agit ici que des actes recensés. La réalité est bien plus grave car de nombreuses victimes choisissent de se taire. Les réactions islamophobes aux attentats sont le résultat de plusieurs décennies de discours islamophobes. Dans une société fragilisée par une crise sans précédent, il est criminel de présenter ainsi un bouc émissaire à sacrifier. Le Front uni des immigrations et des quartiers populaires appelle toutes celles et ceux qui refusent cette France raciste à rendre visible une France antiraciste, c'est-à-dire aujourd'hui anti-islamophobe. Tous les partis, organisations, associations à prendre leur responsabilité et à s'exprimer clairement sur l'islamophobie. Les premiers concernés à s'organiser, à se mobiliser pour se défendre, que l'on soit croyant ou non, quelles que soient nos convictions, crions notre colère contre l'islamophobie, les agressions et les discriminations racistes. Rendons-nous visibles. Du coup, manifestation contre l'islamophobie le samedi 28 février, 15h, place de la République, à Lille. Et toujours samedi 28 février 2015, soit demain, à 16h à l'Insoumise, une bouquinerie occupée 10 rue d'Arras, à Lille, il y a une écoute collective suivie d'un débat intitulé « Nucléaire, la fabrique de l'oubli ». Du coup, je suppose que c'est une émission, ou peut-être un texte. C'est une émission de radio qui est trouvable sur Internet. Peut-être qu'on pourra vous retrouver le site quelque part. Ah oui, il y a une petite présentation qui dit « Le désastre du nucléaire n'est pas celui que celui des catastrophes, mais bien celui de la routine de la société nucléaire et de la façon dont nous nous en accommodons. Nucléaire, la fabrique de l'oubli, est un document radiophonique. Nous avons essayé d'apercevoir cette société nucléaire qui, par son omniprésence, se fait oublier. » Voilà, du coup, c'est demain à 16h à l'Insoumise, 10 rue d'Arras. Très bien, et du coup on continue cet agenda avec un rencard pour un concert dimanche 1er mars, c'est à 21h et c'est toujours au stand culturel libertaire, un concert avec deux groupes, un groupe qui s'appelle Ibagon, je sais pas comment on dit ça, c'est du matrock stoner et ça vient d'Italie, et un groupe qui s'appelle Isaac qui est du rock noise de Reims, c'est toujours à prix libre. Et on passe au lundi 2 mars à midi au Centre culturel libertaire. Comme toutes les semaines, il y a la cantine vegan avec, pas comme toutes les semaines, mais comme tous les premiers lundis du mois et aussi deuxième vendredi du mois. Cette fois-ci, c'est sans gluten avec au menu à boire du jus de fruits frais, pommes, poires, gingembre, en entrée du houmous. Des choses qui ne changent pas ou pas souvent. Plat principal du chili sin carne et en dessert du flan. Et du coup, c'est de 12h à 14h au CCL et c'est à prix libre. Ok, et du coup, on continue avec un rencard mercredi 4, 18h30, manif du CSP comme tous les mercredis. Du coup, manif des sans-papiers et sans-papières en lutte pour leur régularisation et des papiers pour tous et toutes. Et c'est à République à 18h30. Et du coup, le jeudi 5 mars 2015, comme tous les jeudis aussi, il y a le petit-déj au CCL, du coup au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar, qui commence de 7h jusqu'à 9h30 avec du café, du thé, du pain, de la confiture, je pense, de la margarine. De la pâte à tartiner. Du jus de fruits pressés. Et plein de conversations de geeks en ce moment, c'est génial. Bien parler de geekerie le matin à 8h. Car les geeks sont matinaux. et jeudi 5 mars toujours au CCL, décidément, il s'en passe des choses là-bas. À 21h, il y a une soirée concert avec un groupe qui s'appelle Teletexto, qui est du Mat Noise Rock d'Espagne, et un autre groupe qui est KLS, du Punk Hardcore d'Espagne aussi. Et c'est une soirée à prix libre. Et voilà. Le vendredi 6 mars à 20h30, toujours au Centre culturel libertaire, un nouveau concert avec cette fois trois groupes. Un groupe qui s'appelle 1997EV, qui est du psychédélique Mandra, qui nous vient tout droit de Sardaigne. Un groupe qui s'appelle Nibovirzani, qui est du cello drum drone de Madrid. Et enfin, un groupe qui s'appelle, on ne sait même pas comment ça se prononce, ça s'appelle TZII, Zi, c'est du dark ambiante et ça vient de Bruxelles. Et c'est ta prix libre. Et on va déborder un peu sur la semaine d'après, avec le samedi 7 mars à 13h30 devant l'Opéra de Lille, ce qui est aussi la place du théâtre. Il y a la marche pour la journée internationale des femmes. Cette marche est engagée et plurielle et elle sera rythmée et festive. Du coup, il y a un rendez-vous de 13h30 à 14h30 sur la place de l'Opéra avec l'artiste Ratiba Mokri, qui est crieuse publique. À 14h30, il y a le début de la marche avec la Batucada Oyamba. Et à 16h30, l'arrivée de la marche à la salle Courmont, du coup à Moulins, à côté de la place d'Ananaker, pour l'après-midi et la soirée militante et festive. Et c'est à l'appel du collectif du 8 mars qui réunit chez Vionnette le planning familial de Lille, Oser le féminisme 59, le CIDFF, Femmes solidaires de Lille, Maison des femmes, les services Brunehaut, Stop harcèlement de rue Lille, l'Observatoire de la parité 59-62, SOS homophobie et sûrement d'autres qui ne sont pas cités. Et il est précisé que la marche, elle emprunte un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite. Et du coup, peut-être on peut détailler un chouïa ce qui se passe après à la salle Courmont. À la salle Courmont, il y aura un village associatif avec du coup les assos dont on vient donner le nom. Et de 16h30 à 18h, il y aura les Briseuses de silence du Douaisy qui proposent une représentation de théâtre forum en partenariat avec le théâtre de l'opprimé. Et c'est le collectif d'artistes au pied levé qui fera une installation qui a pour thème les violences faites aux femmes et qui est en lien du coup avec le théâtre forum. Ensuite, il y aura une soirée avec de la musique, il y aura une chorale d'un chœur de femmes qui s'appelle Chauffe Marcel et un groupe de rock qui s'appelle Peanut Butter. C'est entrée libre et il y aura à boire et à manger sur place. C'est du coup à partir de 16h30 et ça finira à 23h. Et le samedi 7 mars toujours, en parallèle à l'Insoumise au 10 rue d'Arras, il y aura à 16h un documentaire « Tout est permis mais rien n'est possible » qui est un documentaire a priori sur la logique libérale libertaire qui a été théorisée par Michel Klouskar qui conjugue libéralisme économique et libertarisme sociétal, tous deux fonctionnant en étroit rapport, tous deux représentant la même face d'une pièce. Ce docu propose de décrypter le rôle et la place des marchés de la séduction dans l'économie et disparition de la figure du travailleur de la scène médiatique, avec la participation de Jean-Pierre Garnier et Jean-Pierre Levaret, et de trois petits points. Voilà, et du coup on va terminer doucement cet agenda avec deux rencarts. Toujours un rencard ce samedi 7 mars, c'est-à-dire samedi en 8, avec cette fois une soirée au Centre culturel libertaire en soutien aux exilés de Calais, et du coup à Calais Migrant Solidarity, avec une rencontre de discussion autour de la situation à Calais et sans doute autour de qu'est-ce qui se passe autour du nouveau centre Jules Ferry qui vient d'ouvrir à Calais et qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là. Du coup, ça c'est à partir de 18h. Il y aura une bouffe vegan à 20h. À 21h, il y aura le tour de chant de l'Instruse, qui est du coup des chansons féministes. Et à partir de 22h, il y aura du hip-hop avec Meriem et Sula. Et après, c'est After Music and Open Mic. Et c'est à prix libre. Et c'est à prix libre. Et enfin, du coup, on peut terminer cet agenda avec un rencard dont peut-être s'il y a quelqu'un qui nous appelait pour nous dire s'il tient ou pas, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'infos, ça serait bien. Du coup, le 8 mars à 15h à la maison Folie Vauban et Kerm, a priori, il y a une projection en présence de Sylvie Tissot d'un film qui vient de sortir qui s'appelle Je ne suis pas féministe, mais... qui est un film dont je vous lis les trois lignes qui en cause. En 1970, à la suite d'une action retentissante sous l'Arc de Triomphe à Paris, la sociologue Christine Delphi fonde avec d'autres femmes le légendaire MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Je ne suis pas féministe, mais lui consacre un portrait et revient sur les acquis du féminisme et les enjeux actuels. Du coup, c'est sans doute à la maison Quartier Vauban et Kerm. Du coup... 77 rue Philippe Laurent Roland. Et voilà, mais on n'est pas ultra sûr que ça soit bien ça. Et puisque c'est comme ça, on va passer de la musique. Oui. Oui. Et du coup, on écoute un morceau de Quax avec un morceau qui s'appelle Lapin. De retour sur Radio Campus, toujours sur Radio Campus 106.6 FM. Et vous écoutez La Voix sans maître, et on n'a pas redonné le numéro de téléphone, mais on peut le redonner maintenant. Et vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales, c'est un peu tard. Voilà. Au 03 20 91 24 00, qui est le studio number tel. Ok, et du coup, on enchaîne cette émission avec. Une petite chronique. Allez, une mini chronique préparée complètement à l'arrache, et du coup ça donnera ce que ça donnera. Mais c'est la petite histoire de Mariano Puccedo. Du coup, c'est un paysan bio qui cultive depuis plus de 25 ans, membre de la Confédération Paysanne, et qui, comme beaucoup de paysans bio, fait des stands de légumes bio sur des marchés. Et comme peut-être pas autant d'autres paysans bio, il est aussi solidaire des paysans palestiniens qui luttent pour leurs terres et avec qui il a établi des relations directes en les recevant et aussi en faisant des échanges de graines. Et en fait, du coup, il tient un stand tous les samedis sur le marché de l'Odève et les mercredis à Clermont-l'Hérault, du coup, qui je suppose est en Hérault. Et depuis cet été, il suspend aussi à son parasol de stand deux t-shirts par rapport à la campagne de boycott BDS France qui mentionne, entre autres choses, justice en Palestine et au verso boycott Israël, apartheid. Bon, voilà, quoi qu'on pense du boycott, on va continuer le truc. Et il se trouve que quelques mois après, du coup, samedi 21 février, il a eu la petite visite des policiers municipaux de la ville de Lodève qui sont venus lui demander de retirer les t-shirts en le menaçant de le verbaliser pour incitation à la haine raciale. Et en ajoutant que le règlement des marchés interdit toute expression politique. Alors a priori ça a fait réagir sur le moment les clients et les passants qui étaient un peu outrés par ce qui était en train de se passer. Et du coup les keufs sont repartis sans que les t-shirts n'aient été enlevés, ce qui est plutôt une mini victoire. Mais le mercredi juste après, sur l'autre marché, du coup, pas exactement dans la même ville, il s'est retrouvé avec les gendarmes qui sont venus pour le revoir, pour constater la présence des t-shirts et lui demander de les enlever en disant que c'était à la demande du maire de l'autre commune. Donc, on ne sait pas s'il a dû les enlever ou pas réellement, mais où a priori, il est plutôt outré et choqué un peu par tout ça et il comprend absolument pas... en quoi ça constitue un acte d'incitation à la haine raciale, ce qui effectivement pose fortement question. Et du coup aussi, bon, c'est sur son truc de cette fameuse, il comprend pas non plus cette espèce de contre-offensive sur la liberté d'expression de la part des mêmes personnes qui du coup arrêtent pas de nous rabâcher ça depuis un mois et demi, voire même deux mois, comme quoi elle sera attaquée. Et après, bon, pour l'instant, ils s'en tirent plutôt bien, mais que dire d'autre ? Il a eu des témoignages en sa faveur et il y a pas mal de personnes qui viennent au marché pour le soutenir. Et il ne sait pas encore s'il y aura une plainte ou pas par la suite. Donc c'était une petite chronique d'une répression à un moment sur laquelle je n'ai pas une grande analyse et a priori on n'en fera pas une maintenant. Et une autre histoire, un peu plus locale, du coup, qui a trait avec ce qui s'est passé depuis quelques temps dans le coin de Grand Palais, où il y avait une maison qui était occupée, maison qui a pris le nom de la Mangouste, et qui a été expulsée hier matin à 6h du mat, avec un bouclage du quartier intégral tout autour, qui a mobilisé probablement entre 100 à 150 keufs. Avec plein de CRS bien équipés, le GIPN et tout ce qui s'ensuit, et qui sont rentrés du coup dans la maison, et où ça a été quelque chose qui, s'il n'y a pas eu plus de violence que ça physique ou gazage à noter, du coup a quand même été efficace et sous couvert d'un petit peu tout, parce que c'était complètement pas possible de passer pour les gens qui ont essayé de passer et de s'approcher. Et pendant toute la matinée, c'était bloqué, en partie. Enfin, il y avait des keufs bien présents, en tout cas dans le coin, pendant toute la matinée. Et il y avait un goûter aussi, enfin, il y a eu un texte qui a été fait suite à cette expulsion, peut-être on peut lire. Et il y a eu un goûter aujourd'hui, à 15h, avec du coup du thé, du café et de quoi manger un petit peu. Qui était un peu là pour pas laisser l'être morte cette expulsion, et qui, je sais pas comment ça s'est terminé, mais du coup il y a eu pas mal de flics qui ont commencé à débarquer vers 16h et à se poster aux abords, mais qui au moins jusqu'à 16h30 étaient plutôt sur un truc où ils étaient nombreux mais ils restaient calmes dans leur coin. Et je sais pas, je pense que ça a dû se terminer comme ça ou se poursuivre comme ça, vu qu'il n'y a pas eu plus de nouvelles alarmantes. Et du coup, on peut peut-être lire le texte un peu qui ressort de ça. La Mangouste était notre maison pendant 2 mois et demi. Nous avons ouvert ce lieu à 8 pour y vivre ensemble et organiser des activités. Entre autres, des projections de films, des repas collectifs, des bars et notamment un concert de soutien à la caisse anticarcérale qui est en train de se monter à Lille. En peu de temps, la Mangouste a rassemblé plein de motivations et de gens différents. Il faut dire qu'on s'est donné à fond pour rendre cette baraque, vide depuis 6 ans, vivante et accueillante. Dans un quartier où on chasse les pauvres pour installer les riches et jeunes branchés, à 2 pas des lieux de culture officiels que sont la gare Saint-Sauveur et la maison du hip-hop, la Mangouste faisait tâche. Une énorme banderole sur laquelle on pouvait lire « Vide depuis trop longtemps, occupé maintenant » était déployée pile à la sortie de périph, en plein cœur du centre administratif et juste en face de la gendarmerie. Ça la fout mal quand on se prétend la ville de la solidarité. On a fait le choix d'être particulièrement visible et d'essayer de tisser des liens avec les habitants du quartier, notamment des cités alentours, probablement futures cibles de la gentrification en cours. On ne s'attendait donc pas vraiment à ce qu'ils nous laissent tranquilles. D'autant que le proprio de notre baraque est l'Institut Pasteur, donc, dont le président Jacques Richir est adjoint au maire, administrateur de l'Opéra de Lille, de la fac La Cato et des hôpitaux universitaires. C'est aussi, autrement dit, quelqu'un qui a le bras très très long. On n'a pas été déçus, deux déploiements de keufs aussi disproportionnés qu'inconséquents jusqu'ici. Le premier a rassemblé huissiers, RG, BAC et tout le tout-team, mais n'a apparemment pas obtenu l'autorisation d'essayer d'entrer. Les mêmes charognards sont venus quelques semaines plus tard, accompagnés cette fois de serruriers et du sésame leur permettant de passer à l'action, utiliser la force pour obtenir nos identités. Sauf que ces bouffons ont été tenus en échec par nos barricades, la solidarité des copains et des habitants du Tiécar. Pour le dire vite, ils se sont acharnés pendant plus de 2 heures pour ne réussir finalement qu'à se prendre de la pisse sur la tronche. Petite victoire bien savoureuse. On a aussi vu passer 5 ou 6 fois les huissiers, plus quelques RG qui zonnaient ces derniers jours. Aujourd'hui, ils sont revenus pour l'expulsion. Cette fois, ils n'ont pas lésiné sur les moyens et n'ont pas trouvé plus glorieux que de se pointer à 6h du mat à 150 en mode GIPN, débarquement par la fenêtre du premier étage, gros gun braqué sur nos tronches endormies et montrer vos mains bien en l'évidence. Le quartier était bouclé pendant 1 heure, pas moyen au moindre badaud de passer sa tête pour voir ce qui se tramait. La presse parlera quelques heures plus tard d'une expulsion sans heurte, tu m'étonnes. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait les malins sur le coup, même si, face à ce déploiement surréaliste, on avait pour nous la satisfaction de mesurer notre force, et en ce qui nous concerne, sans mitraillette en bandoulière. Cette force, c'est celle d'être ensemble et de savoir pourquoi on est là. Occuper des maisons, c'est un moyen de vivre collectivement, simplement, en faisant ce qu'il nous plaît et sans payer de loyer. Occuper des maisons, c'est prendre acte de la supercherie de la politique d'habitat social, que l'on pense aux 6000 logements vides à Lille, au temps d'attente pour un dossier HLM, ou au fait que le Pacte, premier bailleur social à Lille, est un proprio qui, comme tous les autres, nous expulse quand nous habitons ces maisons vides. Occuper des maisons, c'est avoir des espaces pour se rencontrer, discuter, apprendre à se servir de ses mains et faire la fête en se passant du label Ville de Lille, ce vernis culturel à 2 balles qui ne tient que par ses subventions et ses vigiles. Occuper des maisons, c'est se réapproprier notre rapport au temps et à l'argent collectivement et loin du travail. Occuper des maisons, c'est accepter d'être parfois confronté aux keufs et se dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. Une expulsion, une ouverture, ce n'est pas parce qu'ils nous expulsent qu'ils les gagnent. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus à la mangousse qu'on ne sera pas ailleurs, prêt à assumer en acte cette évidence que sur le chemin de nos désirs, les keufs seront toujours un obstacle. À bon entendeur. Et du coup, c'est signé La Mangouste à Lille le 26 février 2015. Ah, une interruption. Tatin, Monsieur Noir alias Benoît. Ah, je... Allô, ah, ça ne marche pas. Ça y est, je m'entends. Non, c'était juste mon cas, c'est ma faute. Donc tout ça pour dire que si vous voulez entendre ce communiqué de presse raconté par des gens de la Mangouste et leurs amis, c'était hier dans l'émission Acouphène entre 19h et 21h avec Douche Froide qui nous a fait un petit set d'une demi-heure sur la fin entre 20h30 et 21h et qui était sur place le matin et qui se sont fait foutre dehors. Donc voilà, si vous voulez réécouter sur campusil.com, il y a en plus du communiqué de presse un petit témoignage sur ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, quoi. Voilà. Et bah voilà, ça complète. Passons de la musique. Donc on va mettre Petit Bonhomme de Anne Sylvestre. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle après qu'auparavant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Yvonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. mari de Marie-Yvonne était mon amant. Mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Yvonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça me dit rien. La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Yvonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marie-Yvonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Yvonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Yvonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Yvonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira, tu es belle, après coma avant. Il descendra la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Yvonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. Et vous êtes toujours sur la voie 100 mètres après ce petit blanc d'hésitation. Et on écoutait bien sûr Anne Sylvestre, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Il y aura d'autres. Voilà, on répète plutôt. Enfin, comme on veut. C'est un peu ça la radio, quoi. Tu t'apprends à répéter les bons mots au bon moment. Voilà. Et du coup, maintenant, on va enchaîner pour parler de prison. Pendant ouais. un petit. Parce que les trucs joyeux, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez. Expulsion rime avec prison. Ouh. Et alors là, du coup, on va parler de plusieurs trucs qu'on traite à la prison. D'abord, on va parler un petit peu de. Il y a. Un monsieur qui s'appelle Abdel Hafed Ben Othman, qui était notamment un des fondateurs du journal L'Envolé et de l'émission de radio Contre les prisons sur Fréquence Paris Pluriel qui s'appelle L'Envolé, qui est décédé le 20 février, du coup vendredi dernier. Du coup, on va, c'est quelqu'un qui était assez chouette et que, du coup, on va écouter un morceau d'un entretien avec lui qu'il avait réalisé en 2013. Je vous lis juste le petit intro que le journal CQFD a écrit sur lui au moment de sa mort. Il dit « Hafed s'est fait la belle. Il fut voleur, braqueur, écrivain de polar, auteur de scénarios de films, homme de théâtre, poète et acteur. La machine cardiaque d'Abel Hafed Ben Othman l'a lâché le 20 février au soir, nous laissant dans une immense tristesse. » En vrai, mais son vrai cœur ne nous lâchera jamais. On le croyait increvable, ce formidable compagnon. Même avec 3 infarctus, il s'était fait un point d'honneur à ne pas abandonner son hygiène de vie à base de bière d'abbaye et de cigarettes blondes. À la suite d'une opération à cœur ouvert, un grand cardiologue à la crinière argentée l'avait gourmandé au pied de son lit d'hôpital devant un parterre d'internes. Quoi, vous avez fait 3 infarctus et vous fumez encore? Mais monsieur Ben Othman, vous êtes le roi des cons. Hafed avait tout de suite dégainé une répartie drôle et cinglante dont il avait le talent. Un sujet ne doit pas parler ainsi à son roi, rabaissant la superbe du mandarin et provoquant l'hilarité des étudiants en blouse blanche. Et du coup, voilà, du coup, le petit mot conclu, un credo, toujours faire la nique à la mort et à l'autorité. Du coup, on va passer un extrait de l'entretien qu'il avait réalisé en 2013. Et puis, on causera après d'une actualité de lutte autour de, justement, des prisons, et on reviendra sur le dernier numéro du journal L'Envolé qu'il avait participé à fonder au début des années 2000, avec notamment la proposition qui est faite dans ce journal de créer des plateformes de revendication pour les luttes de prisonniers et prisonnières dans les prisons. Et puis voilà, du coup on la lira certainement, ou au moins en partie. Et puis tout de suite on va commencer avec du coup un entretien en plusieurs parties, on verra combien on en passe, avec Abdel Hafed Ben Othman. À tout à l'heure. Qui a aussi écrit des bouquins, par ailleurs, qui sont vraiment bien. Ouais, qui est du coup quelqu'un qui a fait 17 ans de tôle pour braquage et qui a aussi écrit pas mal de bouquins. Et peut-être les passages qu'on. Enfin, peut-être ça se racontera dans cet entretien, on verra bien. C'est juste. À tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce que. Oui, ça marche pour de vrai. 53 ans et combien en prison ? 17. 17. Et comme je dis toujours, avec modération, c'est-à-dire comme l'alcool, en trois fois. Voilà. Une fois 9, une fois 6, une fois 9 et une fois 3. Et comme je suis quelqu'un de pas croyant mais de mystique, le 3, le 6 et le 9 sont des dates importantes dans ma vie. Parce que je suis né le 3 septembre 60. Donc 3, 9, 6. Alors je pense que maintenant que j'ai fait ma date de naissance au niveau carcéral, ça devrait être bon. La prison, c'est quelque chose qui est très présent dans ton œuvre, dans ta façon de réfléchir. La prison, non. L'enfermement, oui. Je prends souvent le lien entre un prisonnier et un SDF. S'il y a un SDF qui vit dans la rue, qui est dans un carton, pour moi, c'est un prisonnier. Donc l'enfermement, je ne le réduis pas à l'architecture carcérale, les murs, les barreaux. L'enfermement, le pire, c'est celui qui est à l'extérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, ben, on a toujours la possibilité, la liberté de dire non. Voilà, donc on peut scier un barreau, on peut creuser un tunnel, mais quand on est enfermé à l'extérieur, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de mur, et c'est très dur de s'évader. Tu parles, donc, je préfère la prison dure que la prison extérieure, ce que j'appelle le cinquième mur. C'est-à-dire, j'ai été enfermé entre quatre murs pendant 17 ans, en trois fois, et quand je suis sorti dehors, souvent j'ai été confronté à ce cinquième mur qui lui est... Si on ne le voit pas, parce que c'est un mur invisible et un mur porteur, si on ne le voit pas, c'est très dur de lutter contre. Tu parles de liberté de dire non. Moi, je ne dis pas liberté, je dis force de dire non. Parce qu'il y en a d'autres qui étaient dans ton cas et qu'ils n'ont pas su dire non. Toi, tu as toujours su dire non. Et à propos J'ai toujours su dire non pour une raison très simple. J'avais deux luxes. Le premier luxe, c'est que je n'avais pas d'enfant. J'en ai toujours pas. Donc quand on est en prison et qu'on n'a pas à l'extérieur... une dette affective ou un truc très très fort au niveau affectif, on n'est pas dans l'obligation de marchander sa liberté. On n'est pas dans l'obligation de faire profil bas pour sortir plus vite afin de retrouver les siens. Donc j'avais ce luxe-là. Et deuxièmement, j'avais ce que moi j'appelle des peines humainement gérables. Voilà, c'est-à-dire que la plus grosse peine que j'ai faite, c'est 9 ans. À l'intérieur de ces 9 ans, j'ai eu ce que j'appelle une fugue, c'est-à-dire une évasion qui m'a donné envie de... petit espace de respiration. Donc, tu les as fait à chaque fois en centrale ou en maison d'arrêt ? Alors j'ai commencé par la maison d'arrêt jusqu'au moment où je suis passé en cour d'assises. Et ensuite j'ai fini en centrale et en centre de détention. Donc j'ai fait Clairvaux, Val-de-Reuil, Melun. Donc j'ai fait, comme on dit, mes classes. Mais je suis toujours sorti en fin de peine. Et le fait de sortir en fin de peine, c'est le prix à payer pour la liberté de dire non. Alors tu vas nous raconter ta petite anecdote. C'est le seul prisonnier de France qui a refusé de sortir quand on lui a ouvert la porte. Il a voulu finir sa peine. Je pense pas que je suis seul. T'étais tombé amoureux en prison, non. C'est ça non, je me suis marié deux fois en prison. Voilà, je me suis marié deux fois en prison. Voilà. Et c'est pas exactement que j'ai refusé de sortir pour finir ma peine. J'avais fini ma peine. Voilà. Mais je voulais laisser aux copains. Alors c'est drôle parce que c'est inversé. Normalement, c'est un mort qui laisse un héritage aux vivants. Là, c'est l'inverse. Moi qui sortais, donc elle est devenue vivante, c'est moi qui laissais mon héritage à ceux qui sont dedans qui sont quelque part dans des cercueils. Quoi. Et je voulais leur laisser mes affaires, à qui mes chaussures, à qui mes bouquins, à qui mon ordinateur. Voilà. Et comme je n'avais pas confiance en l'administration pénitentiaire... Oui, qui risquait de tourbette dans la cantine générale. Ou même pour eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, la loi me permettait de rester une journée en plus, en disant que j'étais indigent, parce que j'ai toujours été très pauvre en prison, en disant que j'étais indigent et donc que j'avais le droit de passer encore une nuit, ce qui m'a permis de distribuer moi-même mes affaires aux copains. Voilà. Et ça, cette liberté d'Irlande fait partie de ça. Ça les a beaucoup énervés, en disant qu'on ouvre la porte à ce salopard et il se paye le luxe de dire « pas ce soir, je sortirai demain ». C'est du panache en même temps, non? C'est un grand foutage de gueule, parce que tout ça est dans le sourire. C'est pas dans l'agressivité, je ne suis pas quelqu'un de haineux. Et je ne suis pas haineux, je pense que c'est parce que j'ai fait mes peines entièrement. Voilà. Et je crois qu'on sort avec de la haine quand on s'est beaucoup humilié à l'intérieur. Je vais donner un exemple très simple. Dans les années 80, le travail était obligatoire. Les prisonniers devaient travailler. J'ai toujours refusé de travailler. Donc j'ai passé beaucoup de temps au cachot. Voilà. Et quand on me proposait un travail, je n'étais pas dans la violence en disant « bande d'enfoirés ». Non, non, c'est un gros souhait. Non, merci. Voilà. Mais il faut travailler. Oui, j'ai pas envie. Voilà. Oui, en revanche, tes allers-retours avec le prétoire, je suppose que ça a dû être assez fréquent. Quand j'avais un abonnement. Mmh. J'avais un abonnement jusqu'au moment où le directeur de Clairvaux m'a convoqué dans son bureau parce qu'il en avait un peu marre. Et il m'a dit, t'es jeune, fais des études. Soit t'es travailleur, soit t'es étudiant, fais des études. Et j'ai dit, il dit, mais tu peux apprendre des langues quand tu sortiras dehors. Tu auras 25 ans quand tu sortiras dehors. L'anglais, l'espagnol, ça va te servir dans la vie. Puis moi, j'ai dit, moi, j'ai rien à dire en français, c'est pas pour dire en anglais. Voilà, et donc remis tard, ça fait que je suis sorti en somme. C'est toujours une question qui peut sembler paradoxale. Est-ce que finalement, la prison ne t'a pas construit? Non. Alors, la réponse est claire, c'est non. Elle ne m'a pas construit. Et ce que je dis souvent fréquemment, c'est qu'elle ne m'a pas détruit. Voilà. Elle ne m'a pas détruit parce que dès le départ, avant même la première incarcération, j'ai commencé à faire de la prison à l'âge de 16 ans. Donc j'étais déjà, entre guillemets, préparé à l'incarcération. Justement, en parlant des enfermements extérieurs, je suis maghrébin, fils d'ouvrier, et j'ai été élevé dans un des plus chics quartiers de Paris, le 6e arrondissement, entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Donc très tôt, j'ai eu des outils, et ces outils, c'est la culture, c'est à maîtriser la lecture, maîtriser l'écriture, et quand je suis arrivé en prison, j'avais ces outils-là. Voilà. Et c'est une période où il n'y avait pas la télévision, on passait par la bibliothèque et par les rencontres entre nous, parce que la prison n'était pas... sans rien de péjoratif, c'était pas un hôpital. On ne croisait pas autant de pathologies, c'est-à-dire d'addiction sur les drogues, de gens psychotiques. On avait une prison, grosso modo, pas de professionnels du crime, mais de personnes qui avaient l'héritage de la marginalité. Voilà. Les affranchis de l'époque. Les affranchis de l'époque, beaucoup de politiques, parce que des années 68, etc., etc. Et on avait un très très gros atout, c'est que l'extérieur suivait la prison. Avec le Foucault, avec le Cap, avec tout l'historique et la mémoire carcérale. Donc moi j'arrive dans une prison qui ne laisse pas indifférent le monde extérieur. Et c'est là où j'ai fait de très très belles rencontres, puisque à l'époque il y avait des annonces en Libération, un petit cahier qui s'appelait Sandwich, et qui listait toutes les prisons de France, et les gens, les citoyens dehors, écrivaient aux prisonniers. Donc il y avait une petite noblesse dans le fait d'être un prisonnier. Et de droit commun, parce qu'on avait un peu aboli le clivage politique et droit commun. C'est-à-dire que tout prisonnier était un prisonnier politique. Et puis tu as créé de la prison même une émission radio et puis un journal, L'Envolé, non? Oui, mais ça a été longtemps après. Ouais. Ça a été dans les années 2000 où la révolte archaïque s'est quand même conscientisée. Et il y a eu toujours ce rapport à la correspondance où j'ai écrit avec beaucoup de prisonniers politiques. Voilà, j'ai eu une correspondance avec Joël Aubron d'Action Directe pendant 6 ans. Donc j'étais en lien avec Idoïa López-Riano, qui était prisonnière basque, étrangement avec beaucoup de femmes. Ça doit être mon côté féministe, ou alors mon côté queutard qui voulait avoir des millions de femmes. Voilà. Mais quand on est enfermé à l'intérieur d'une prison, on devient forcément, quand on n'a pas la chance d'être gay, voilà, on devient forcément une espèce d'intellectuel sexuellement manuel. Voilà. Donc j'ai fait de très très belles rencontres à l'intérieur, qui ne m'ont pas construite. Les rencontres m'ont nourri. Voilà. Mais la prison ne m'a pas détruit, parce que je suis arrivé en étant déjà, je ne vais pas dire un dur, mais en, en, en, en sachant déjà comment combattre. Oui, tu avais le terreau intellectuel qui était nécessaire justement à lutter. Oui, et le fait de dire non, c'est-à-dire moi très tôt, puisque je suis maghrébin algérien, né dans une famille musulmane où les parents étaient musulmans, je suis devenu athée très tôt. J'ai refusé le système scolaire, c'est-à-dire moi on me proposait à l'école, on me proposait un strapontin, en disant serre-toi la ceinture et t'arriveras, j'aurais pu devenir Rachida Dati. Voilà, si j'avais serré la ceinture et suivi le couloir. Et j'avais une espèce de révolte archaïque. Alors ça, je ne sais pas si c'est l'inné ou de l'acquis, je ne sais pas. J'avais une révolte archaïque qui fait que j'étais toujours en but. Avec cet avantage de jamais être dans la haine ou dans... J'ai jamais dit c'est la faute à papa, maman ou à la société. Je dis simplement le monde tel qu'on me le propose, moi, ça ne me cause pas. Voilà. Ce qui fait qu'à 53 ans aujourd'hui, je me retrouve toujours sans papier, sans sécurité sociale, en guérilla sociale. Et la guérilla sociale, j'arrive à la tenir parce que j'ai créé des liens sociaux et des rencontres et des amitiés, dont Gérald, et un réseau comme ça qui est présent autour de moi. C'est-à-dire que ma liberté est quand même soutenue par des gens qui peut-être se sentent aussi un peu enfermés et partagent ma liberté avec moi. On va écouter un petit morceau de musique et puis on revient juste après pour... finir de causer de prison. Et du coup, on va écouter un morceau de Queen Latifah qui s'appelle Unity. Vous comprendrez. C'est bien toi et moi que t'en écoutes. Ah, mais non, c'est pas du tout, tout ça. D'abord, c'est bien avant. Premier en français, premier en rédaction. Et alors, parle-nous justement de ce. Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on right cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Who you calling a bitch? U-N-I-G-Y. Days at work give you an attitude and you abrupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I felt so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gonna come to you till you do right by me. Brother, you waiting. Who you calling a bitch? You and I. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Damn, you a wannabe. Hard. You barely know your ABC. Please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young lady. And real bad girls are the silencers. what happened to your homegirl, right? Walking with no wife. She got to wear that for life. Who you calling a bitch? Queen Latifah, et c'est toujours La Voix 100 mètres sur Radio Campus 106.6 FM. Et on va terminer cette émission en continuant à parler de prison, ce dont on a un peu commencé à parler en réécoutant une interview de Hafed Ben Othman. Et du coup, en revenant sur le dernier numéro du journal L'Envolé, qui est un journal contre toutes les prisons, où il y a un appel à faire des plateformes de prisonniers que je vais peut-être vous lire. Ça s'appelle Pour une communauté de lutte. Pour une communauté de lutte. Les prisonniers qui nous écrivent font tous le même constat. Ils luttent pour des raisons similaires et rencontrent les mêmes obstacles. Mais bien souvent, chacun reste seul face à la machine pénitentiaire, parfois avec l'impression de n'être entouré que de moutons. Comment sortir de cette impasse ? Dans le numéro 39 du journal, nous avons tenté une synthèse des revendications de prisonniers. Fin des transferts disciplinaires et rapprochement familial, fin de l'isolement et fermeture des quartiers disciplinaires, fin de la violence des matons, fin des fouilles à nu. Les prisonniers qui luttent aujourd'hui contre l'administration pénitentiaire savent que sans soutien extérieur, leur combat risque d'être écrasé dans le silence. Nous tentons parfois de soutenir les prisonniers individuellement, au moins en manifestant notre vigilance aux autorités pour éviter le pire, mais concrètement, nous n'avons ni l'envie ni la force de nous consacrer exclusivement à la défense d'une multitude de cas individuels. Au printemps 2014, nous avons tenté une fois de plus de discuter avec les principales associations de défense des droits des prisonniers, l'OIP et Ban Public, autour de l'ouverture de la prison ultra-sécuritaire de Condé-sur-Sarthe. Il s'agissait de mieux comprendre ce qui s'y passait pour le dénoncer. Nous nous sommes associés à ces deux organisations pour envoyer un questionnaire aux prisonniers afin de leur permettre de décrire leur situation. Ça nous a donné des éléments pour dresser un tableau de cette prison expérimentale qui concentre ce qui se fait de pire en matière sécuritaire, contrôle total, torture blanche de l'isolement, sans aucun espoir de sortie. Mais cette démarche laisse chaque prisonnier seul dans sa cellule face au questionnaire. Elle ne donne aux enfermés ni les moyens de prendre directement la parole, ni d'échanger leur point de vue. Et puis, on ne fera rien changer en présentant les prisonniers comme des victimes d'une condition inhumaine. Tout est fait pour disqualifier leurs paroles, pour qu'ils soient vus comme des coupables qui méritent leur punition et comme des dangers à écarter. Il s'agit donc de dire ensemble, nous sommes d'accord avec les prisonniers qui luttent. Nous discutons régulièrement avec des familles et des proches de prisonniers et d'autres collectifs anticarcéraux. Nous contactons des avocats et nous tentons d'alerter les médias, mais c'est difficile de s'entendre pour engager un combat commun sans une parole collective de l'intérieur. Nous avons besoin de nous appuyer sur ce que réclament concrètement des prisonniers en lutte pour le faire entendre à l'extérieur des murs. Nous savons combien c'est difficile, puisque l'administration pénitentiaire fait tout pour empêcher les prisonniers de communiquer et de s'organiser. Mais dans le passé, des mouvements de prisonniers y sont arrivés, au moyen de plateformes. Elles ont pu porter des revendications concrètes, comme la suppression du statut de détenu particulièrement signalé, DPS, mais aussi des points de vue généraux sur la prison et sur la société, comme la revendication de l'abolition de la prison, et des principes de lutte, comme le refus de la distinction entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. Ce n'est pas l'accumulation de signatures individuelles, comme dans une pétition, qui peut faire céder l'administration pénitentiaire, mais plutôt un rapport de force concret. Une plateforme est un moyen de communiquer entre prisonniers et aussi avec l'extérieur. Grâce à une plateforme, une parole commune pourrait se construire et évoluer sur le long terme, de détention en détention, et renforcer les luttes. Cet outil permet à des prisonniers éloignés, séparés, de s'y reconnaître, de s'en emparer, de la critiquer, de discuter. Les prisonniers savent que dès à présent, ils se bagarrent. Les prisonniers savent que dès qu'ils se bagarrent, l'administration pénitentiaire les transfère pour empêcher tout mouvement. Une plateforme peut alors servir à continuer à défendre les mêmes revendications d'une tôle à l'autre. Par le biais du journal ou d'émissions de radio locales, nous pourrions aider à la constitution d'une telle plateforme. Pas seulement en recevant des propositions, mais aussi en permettant des échanges entre prisonniers, en publiant leurs points de vue pour contourner les interdictions de communiquer imposées par l'administration pénitentiaire. Depuis quelques mois, nous avons écrit à quelques-uns de nos correspondants en prison pour discuter de cette idée. La plupart de nos lettres ont été censurées. L'administration pénitentiaire a beau prétendre à la transparence en laissant entrer des équipes de télé pour faire du spectaculaire, il y a des fondamentaux qui ne changent pas. Ceux qui prennent la parole et tentent de s'organiser se heurtent à la censure d'État, surtout s'ils dépassent le cadre de la plainte individuelle. Nous avons quand même reçu quelques réponses dont nous vous livrons dans le journal des extraits pour alimenter la réflexion et la discussion. Le premier vient d'un groupe de prisonnières de la maison d'arrêt de femmes de Poitiers-Vivonne, un autre d'un ami du quartier de la maison de centrale de Réau, et il y a d'autres courriers dans ça. Je vais peut-être terminer en lisant la première plateforme qui a été faite par les prisonnières, par trois prisonnières de la prison de Poitiers-Vivonne. Trois prisonnières dont une prisonnière qui s'appelle Christine, qui est une éleveuse dont on a causé plusieurs fois dans cette émission, qui est une nana qui s'est fait incarcérer pour vraiment des broutilles et qui est en taule depuis plusieurs années parce que à force de se prendre le bec avec l'administration pénitentiaire, sa peine s'allonge de jour en jour. Mais comme on entendait tout à l'heure a fait de Ben Othman, elle n'a pas non plus baissé les bras et elle n'a pas arrêté de dire non et faire respecter ses droits et ce que l'administration pénitentiaire et la justice lui a fait payer particulièrement. Du coup, elle raconte dans une lettre qu'elle a reçu la proposition de créer des plateformes et qu'elle a essayé en posant quelques revendications qu'elle a écrites avec des co-détenus au mois de novembre 2014. Elle raconte aussi dans sa lettre que au moment où il y a eu les manifs contre les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse, et elles ont essayé de solidariser depuis la prison de Poitiers, et elle raconte qu'à Troyes, elles ont mis une affiche dans la promenade de la prison qui disait « Assassiné sur la ZAD, suicidé en prison, dedans ou dehors, la répression tue ». Et elle dit qu'il n'y a eu absolument aucune réaction à cette affichette, ni de la part des co-détenus, ce qui est un peu triste, mais il n'y a pas eu non plus l'administration pénitentiaire qui a dit quelque chose. Du coup, elles ont écrit quelques revendications. Je vais les lire et puis voilà. Alors, du coup, ça s'appelle « Liste de revendications des prisonnières de la maison d'arrêt des femmes de Vivonne ». Localement, nous demandons des conditions dignes à la nurserie, l'arrêt des réveils nocturnes et une cour avec de l'herbe, des temps de socialisation pour les mamans, l'accès à l'école pour toutes, fin du refus avec fausses excuses de la mixité, la télé à 8 euros par mois, alignement sur la loi, comme dans les prisons publiques. La fin de l'interdiction des apports au parloir, livres, disques, produits d'hygiène, on n'est pas là pour enrichir les cantines privées. L'ouverture d'une salle de convivialité, elle doit être systématique quand la météo est mauvaise car il n'y a pas de préau dans la cour. Plus d'activités, actuellement il n'y a que bricolage en papier et fitness, 2 heures par semaine. L'accès au terrain de foot, seuls les hommes y ont droit. La gratuité du courrier interne, on doit timbrer les lettres pour le quartier homme. Et comme ailleurs, elle rajoute une liste de revendications qui sont plus générales sur les conditions de détention. Comme ailleurs, nous voulons des payes correctes, tant aux ateliers qu'au service général, la suppression des quartiers d'isolement et des régimes différés aux centres de détention, les portes ouvertes en maison d'arrêt et ou le téléphone en cellule, la mise en place systématique des aménagements de peine sans délai et des transferts en centre de détention dès la condamnation, la facilitation du téléphone, des parloirs et des unités de vie familiale avec nos proches, enfermés ou non, la fin des fouilles systématiques et ou punitives, les repas appétissants, marre de manger du plastique. Du coup, c'est une plateforme qu'elles ont fait en décembre 2014. Et voilà, Du coup, on peut rappeler que ça vient du journal L'Envolée, qui est un journal contre toutes les prisons, qu'on peut trouver au CCL mais ailleurs, qu'on peut demander, qui est gratuit pour les détenus. Il suffit d'écrire, peut-être je peux te donner l'adresse postale si je la trouve.